Je vous souhaite un très bel après-midi. Là, tout de suite, il se poursuit avec Histoire vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Ces gens-là agissent dans l'ombre, se veulent de vrais Allemands ariens et ils nient toute forme d'Holocauste. Des nouvelles ont parcouru les journaux que le nombre des réfugiés a augmenté considérablement à environ 1000 par jour. Moi, je crois que la seule réponse qui puisse vraiment surprendre l'opinion publique, c'est que le gouvernement d'Allemagne de l'Est décide, par exemple, de supprimer le mur. Cette semaine, l'Allemagne et ses démons, d'un mur à l'autre, le ventre est toujours fécond d'où a surgi la bête immonde. La porte de Brandebourg, symbole de la division de Berlin, est virtuellement ouverte et il n'aura fallu pour cela que 4 semaines de manifestations, on croit rêver. Au mois d'août 1992, une ancienne ville d'Allemagne de l'Est était le théâtre de violences urbaines menant à l'incendie criminel d'un immeuble d'une capacité de 2000 locataires. Sous les regards silencieux, pour ne pas dire complices, d'une partie de la population. Le procès, qui se tint un mois plus tard, fit bien sûr la une de l'actualité, mais le verdict à l'époque en fit pâlir plus d'un. Marc Leroy-Beaulieu. La justice allemande a frappé vite. Moins de 3 semaines après le début des émeutes xénophobes et racistes de Rostock, les 3 premiers verdicts sont tombés. À l'issue d'une procédure accélérée qui sera également appliquée à 29 autres vandales arrêtés et inculpés après la prise d'assaut du tristement célèbre foyer d'immigrés de Rostock. Mais si elle a fait vite, la justice allemande n'a pas frappé bien fort. 9 mois de prison ferme pour un des apprentis nazis. Il était venu tout spécialement de Dresde, à 400 km de Rostock, pour exprimer sa haine des étrangers à coups de pavés et de barres de fer. On ne peut donc vraiment pas dire qu'il n'avait pas prémédité ses actes ignobles. 2 de ses camarades, âgés de 18 ans et donc encore pénalement mineurs aux yeux de la loi allemande, ont été condamnés à 3 et 2 semaines de prison, l'un d'eux pour avoir incendié une voiture au cours des bagarres avec la police. Les 3 jeunes casseurs qui prétendaient rendre l'Allemagne aux Allemands à coups de slogans nazis et de cocktails Molotov ont été condamnés pour trouble de l'ordre public et incitation à la haine raciale. On ne commande certes pas un jugement de justice, mais la clémence de celui-ci a visiblement choqué le procureur qui a immédiatement fait appel. Pendant une année, les débats vont faire rage en Allemagne. Une partie du personnel politique de droite comme de gauche se retourne vers les étrangers et les accuse de fraude sociale et d'abus massifs. Tous ces éléments mêlés sont-ils pris comme un encouragement? C'est possible. Il ne se passe pas un an qu'une nouvelle tragédie a lieu. Cette fois, il y a des victimes. Cela se passe à Solingen, le 29 mai 1993. 5 Turcs, des jeunes femmes et leurs filles, périssent dans les flammes de leur maison incendiée par des skinheads. On ne peut plus recourir cette fois au racisme larvé supposé exister dans l'ex-Allemagne de l'Est. Nous sommes là dans une importante ville de la Ruhr, une ville de 170 000 habitants, à l'époque, dont 7 000 Turcs. 5 mois plus tard, la radio suisse romande décide de consacrer une émission à ces phénomènes de violence. Nous sommes alors à quelques jours des élections législatives en Allemagne. Catherine Kammermann part enquêter en Allemagne sur cette tentation des extrêmes. Am 29. Mai 1993 starben an dieser Stelle 5 türkische Frauen und Mädchen bei einem ausländerfeindlichen Brandanschlag. Wir werden dies nie vergessen können. Le 29 mai, à cet endroit, 5 femmes, jeunes femmes, sont mortes lors d'un attentat contre des émigrés. On n'oubliera jamais. Vous êtes allemand, Klaus Deinert. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université d'Essen. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir lu cette pancarte comme ça? C'est un peu difficile à dire. Je connais assez bien cette ville. C'est une ville assez tranquille. Même pas une grande ville. Mais si, On n'aurait pas cru que chez nous aussi. Hein. Dans ces semaines, il y avait beaucoup d'attentats ou d'essais d'attentats. Et on avait vraiment l'impression que maintenant, nous sommes à la dérive. Et se laisser un peu prendre la panique en disant que l'Allemagne va à droite maintenant et ça. Alors c'est ce qui reste de l'incendie de Solingen qui date de mai 1993. Il reste donc un grillage avec des fleurs pourries accrochées au grillage et puis cette pancarte. Est-ce qu'autour de vous, Klaus Deinert, vous sentez une montée de la xénophobie ou du racisme? Si je regroupe toutes les informations que je lis dans le journal, oui. Mais dans ma vie personnelle, je n'ai pas eu de telles expériences, je ne peux pas dire. Hein. Non, la seule chose qui me touche un peu, c'est qu'on voit de plus en plus ces gens déguisés en noir, hein, tout à fait en noir, avec des masques même. Le vêtement parle la violence à mes yeux. Et ces vêtements sont des vêtements, disons, de droite, hein, ou bien des gens, des fascistes. Hein, ce qui rappelle le fascisme, en tout cas. Hein. Noir, cuir. De temps en temps, on voit maintenant les drapeaux, pas seulement le drapeau noir, rouge, or, hein, mais avec l'aigle, hein, dans les petits jardins. Et ça, c'était le drapeau de la guerre. L'extrême droite allemande aurait-elle déclaré la guerre de l'ombre? Elle se fait plus que discrète à Solingen. De cette nuit infernale du 23 mai, pas de traces visibles, tangibles, si ce n'est ce choc collectif et un procès en cours à Düsseldorf que suivent jour après jour les journalistes de la feuille locale, la Solinger Tagblatt. C'est la page qui... Est-ce que vous avez une photo des jeunes accusés dans ce dans cette affaire? Oui, ce sont les quatre. C'est le jeune de 16 ans, c'est de 24 ans et 21 ans et de 17 ans. 17 ans, oui, ce sont les quatre. Le plus âgé a 25 ans. C'est le Markus. Oui. Vous avez suivi ce procès, vous avez donc vu Markus témoigner et dire « oui, j'ai commis cet acte ». Oui, il a dit, je fais cela, et c'est un jeune homme qui est un peu timide, peut-être. Il n'est pas très intelligent. Il a perdu sa mère. Il a souffert, merci. Et il n'a pas une profession. Il n'a pas de l'argent. Et il était dans les bistrots. Et là, il a trouvé tous les jeunes skins. Et pour dire je suis quelqu'un, il était entré dans un parti, dans le DVU, c'est un parti extrêmement droit. Seulement pour avoir quelqu'un avec parler. C'est tout. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas les paroles droites qui sont de son cœur. C'est seulement une pour jouer quelque chose. C'est tout. Séance après séance, Solingen découvre ahuri la fragilité de sa jeunesse. Félix, fils de médecin, une mère dévouée à la cause humanitaire, les deux Christian, tous ont changé de version en cours de procès, sauf Markus. Il est le seul à tenir ses aveux, lui aussi aurait donc basculé. Marlise Dulberg, une de ses institutrices, n'en revient pas. C'était un élève assidu qui faisait des efforts pour avoir de bonnes notes. Il obtenait de bons résultats. Il était bien intégré dans sa classe sans qu'on l'ait particulièrement remarqué. Comment expliquez-vous qu'il aurait pu commettre un acte comme ça? C'est très difficile de répondre à cette question. J'ai cherché des raisons parce que je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas comment un enfant comme Markus a pu commettre un tel acte. Après qu'il ait quitté l'école, j'ai appris un certain nombre de choses. Sa mère est subitement décédée et puis il y a l'alcoolisme de son père. Et devant ce vide, un jeune cherche quelque chose qui lui rende un peu d'équilibre. Il prend ce qui vient sans se soucier de ce qui est bien ou mal. Klar und auch nicht klar, wenn es da jemanden gibt, der ihn auffängt, der ihm wieder Halt gibt, der ihm wieder ein Ziel gibt, dann greift er nach diesem Strohhalm und erkennt nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Est-ce que cette affaire au fond vous pose pas d'autres problèmes, par exemple le rôle peut-être de la police et notamment de ce chef de cette école qui recrutait des néo-nazis et qui était agent des services secrets allemands. Quand j'ai lu cette révélation, j'ai été comme électrisée. J'ai tout d'abord cru à une faute d'impression et finalement c'était bien vrai. Je me suis alors demandé si cet agent n'était pas un agent double travaillant pour les deux côtés. Parce que s'il travaillait uniquement pour l'État allemand, ce serait beaucoup plus grave et l'on devrait continuer à se poser des questions jusqu'à ce que la vérité soit faite. Und dann sind wir erst recht aufgerufen, so lange nachzubohren und so viele Fragen zu stellen, bis wir wissen, was da los ist. Choc encore quand les habitants apprennent lors du procès l'existence d'une école néo-nazie avec à sa tête un agent des services secrets dans le plus coquet et pittoresque quartier de la ville. La question traverse les têtes. L'extrême droite aurait-elle pénétré la police ? J'irai pas aussi loin. Il y a sans doute à la police, dans l'armée aussi, certains gens de droite. Peut-être plus que dans d'autres professions, parce que ces professions exercent une certaine attraction. Je crois pas que c'est vraiment une espèce d'organisation. Qu'est-ce que vous entendez par de droite ? En contraste d'extrême droite, hein. Ce sont des gens qui aiment se souvenir, hein, et qui aiment la nostalgie, disons, d'un Troisième Reich qui n'aurait pas commis certaines fautes, hein, pour ainsi dire, comme par exemple la chose avec les Juifs. Hein. Non, mais je crois que c'est la façon de penser de ces gens-là. Hein. Ça aussi, c'était une pensée qui n'était pas possible officiellement en Allemagne, hein, depuis 40 ans, mais qui s'est toujours montré un peu à la table des amis. Hein. Alors, ça, ces gens étaient toujours là, hein, et ils sont toujours là. Et il y en a beaucoup ? Difficile à dire. C'est pas la majorité, sans doute pas. Hein. Mais il y a une légère tendance, disons, à rendre les choses moins sérieuses, moins graves qu'ils étaient. Hein. La façon aussi de parler d'Adolf au lieu de Hitler, ça c'est aussi une chose comme ça. Hein. Sous Adolf, c'était de cette façon, etc., etc. Hein. C'est déjà une façon de parler qui donne une certaine familiarité envers. C'est dangereux. Ça. Oui, en principe c'est dangereux de parler comme ça. Ouais. Ces gens-là, quelles valeurs ils ont au fond ? L'ordre ? Oui, l'ordre, l'Allemagne aux Allemands, hein, le sentiment qu'on est peut-être les meilleurs, hein, que le monde ne veut pas le savoir, mais c'est quand même comme ça. Le préfet de police de la région, Monsieur Kohler, est un homme qui regarde la réalité en face. Il ne nie pas les faits, ni la gravité de la situation il y a un an, même si aucun lien entre l'attentat et l'école néo-nazie n'ont été établi. C'était une école de sport de combat. Oui, la Kampfsportschule a bien existé. C'était une école où beaucoup de jeunes, quelquefois même des étrangers, se rencontraient pour exercer des sports. Et parmi eux, il y avait des groupes relativement nombreux de sympathisants de partis d'extrême droite, comme le FAP et les Républicains. Et ils se rencontraient et tenaient ensemble des propos d'extrême droite. Alles dort traf sich und diskutierte über doch recht extreme Ansichten. Et ces sympathisants-là, pour la ville de Solingen qui fait à peu près 170 000 habitants, ces sympathisants, c'était à peu près 200, 300 personnes d'extrême droite. On ne connaît pas le chiffre exact, mais oui, c'est à peu près ce nombre-là. Est-ce que vous avez peur d'une Allemagne ou d'une partie de l'Allemagne raciste à l'égard des étrangers ? Alors d'une part, je suis content de voir que ce mouvement est très nettement en recul. Mais de l'autre, il faut bien admettre qu'il y a certainement encore des gens qui ont des idées très racistes. Il faut lutter, il faut toujours lutter contre ces idées-là, s'en soucier, être vigilant, parce que le danger n'est pas tout à fait dissipé. Dans quelques instants, nous reviendrons à ce reportage enregistré quelques semaines après les attentats de Solingen, qui avait fait en mai 1993 cinq victimes, cinq jeunes femmes turques et leurs filles mortes dans leur maison, incendiées par des skinheads. Les héros de mon histoire sont des anges, oui, des anges. Non seulement ils peuvent tout voir, mais ils peuvent recueillir jusqu'aux pensées les plus secrètes. Parmi eux, chose inouïe, un ange tombe amoureux. Il deviendra mortel. Tiré du film « Les ailes du désir » de Wim Wenders, The Carney, Nick Cave and the Bad Seeds. And no one saw the carney go, the weeks flew by. Till they moved on the shore, leaving his caravan behind. It was parked out on the southeast ridge, and as the company crossed the bridge, with the first rain filling the bone-dry riverbed, it shone just so upon the edge. Away, away, we're sad to say. Boy, Atlas, Mandrake, the geeks, the hired hands. There was not one among them that did not cast an eye behind in the hope that the carny would return to his own kind. Digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground, while Bus Bellini waved his smoking pistol round, saying, "The man was dead meat. We can't afford to carry that weight." While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says, "There's a lump of crow bait." Dans les années 60, pénurie de main-d'œuvre oblige, l'Allemagne a donc ouvert grande ses portes aux Gastarbeiter, les travailleurs hôtes, comme on avait élégamment coutume de dire, sont ainsi venus contribuer, participer au miracle allemand et ont favorisé le redressement spectaculaire de ce pays exsangue au lendemain de la guerre. Les seules finances n'auraient pas suffi. La main-d'œuvre fut nécessaire. Quelques dizaines de milliers de chômeurs plus loin, la présence de l'étranger, de l'utile, passe au gênant, puis à l'insupportable. Au mois de mai, des skinheads mettent le feu à une maison où vivent quelques familles de ces étrangers si mal supportés. Résultat, cinq jeunes femmes turques et leurs filles meurent dans l'incendie. Retour sur le reportage que Catherine Kammermann réalisa peu de temps après ces événements tragiques, reportage intitulé « Allemagne, la tentation des extrêmes ». Vigilance. Ceux qui sont profondément attachés à la démocratie ne sont pas prêts d'oublier à Solingen. Ils sont sur leur garde, comme si quelque chose de sournois leur disait que dans la vie de tous les jours, il faut veiller au grain. Votre petite promenade avec Jonas, votre petit garçon qui a 2 ans. Et nous allons, vous lui avez promis de l'emmener où aujourd'hui? On va faire quelques courses là. On va souvent chez les Turcs, dans les petits magasins, parce que là on peut bavarder un peu. Et en plus, c'est pas très cher. Voilà. Et il aime bien, Jonas aime bien aller chez les Turcs. Chez les Turcs, prendre des olives. Un microphone. Ça va? Allô? Allô? Est-ce que votre vie a changé depuis l'incendie de Solingen dans vos relations avec les Allemands ou est-ce que c'est comme toujours? Normal. Weiß ich nicht. Nicht so viel. Deutsche sprechen. Nicht anrufen. Elle ne parle pas très bien l'allemand, alors qu'il n'y a pas beaucoup de relations avec les Allemands. Est-ce que ça fait longtemps que vous habitez l'Allemagne? Ja, ich 6 Jahre, aber mein Mann 12 Jahre ist hier. Elle depuis 6 ans et son mari depuis 12 ans. Et est-ce que vous vous sentez vraiment faire partie de ce pays ou bien vous pensez un jour rentrer en Turquie? Wieder zurück. Ja. Entrer en Turquie, bien sûr. Vous avez l'impression que les Allemands s'intéressent à vous? Non. Turcs et Allemands vivent côte à côte sans vraiment échanger. Pour certains, l'attentat aura été un révélateur. Plus que jamais, pensent-ils, il faut faire le pas, surmonter la différence. J'ai beaucoup de contacts avec l'allemand normal, ce sont mes cousines, ma tante, tout ça. Ils disent, bon, ce sont des gens comme nous, mais, il y a toujours un mais. Ils disent mais, et moi je dis mais quoi? Mais il y a quand même une différence, on ne peut pas très bien parler avec eux, ils restent entre eux, ils ne parlent pas l'allemand, et ce sont toujours des mais. Je crois que c'est normal chez nous. Pourquoi c'est normal chez vous? Je ne comprends pas. Il est vrai que ça pose des problèmes d'entrer en contact avec eux. Il faut toujours faire des efforts et refaire des efforts, c'est vrai. Mais oui, on a fait l'expérience que ça vaut le coup. Ils sont très, très, très sympas. Et très ouvert si on n'arrête pas. Mais vous voyez, on vient ici acheter des choses, on ne va plus au supermarché et ça va, c'est bien. C'est une manière pour vous de militer Oui, c'est le proteste peut-être. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé ici. Parce que maman, par exemple, elle dit il ne faut pas acheter chez les Turcs, c'est sale. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout, vous voyez, c'est normal. C'est agréable et j'aime bien cette ambiance par rapport au supermarché. Vous pensez que les jeunes, par exemple, maintenant, ont encore plus de mal à faire ce contact avec... Ils ne voient pas la nécessité, pas encore. Wir haben noch solchen Tee, Jonas, den brauchen wir nicht. Vous êtes professeur de français et d'histoire, oui. Ici à Solingen. Oui. Vous avez des élèves de 13 ans à peu près? Oui, jusqu'à 20 ans. Oui. Et vous sentez un malaise chez les enfants de 13 ans déjà? Oui, déjà. Qui s'expriment comment? Ils ne savent pas que faire. Dans leur temps libre, ils n'ont pas d'opinion, ils sont... faible, il ne travaille pas bien, passif, oui, influencé par la télé et les opinions des autres. Hans Knapp, vous êtes professeur de français ici à Solingen. Nous sommes devant une école. Deux énormes personnages en fer sont en train de déchirer une croix gammée. C'est en fait un monument qui a été construit après l'attentat. Ce monument est en train de devenir une sorte de symbole des efforts communs contre les pensées néo-nazies de droite, racistes, etc. Cette année, pour l'anniversaire de l'attentat, il y a eu une grande chaîne humaine à travers toute la ville à laquelle 10 000 personnes ont participé. Et un point d'aboutissement de cette chaîne a été ce monument. Est-ce que les Allemands n'ont pas, par leur silence, c'est-à-dire leur non-communication avec les Turcs notamment, une espèce de mépris terrible à l'égard de cette communauté? Oui, je crois. C'est un peu aussi mutuellement. On refuse le contact les uns avec les autres. C'est surtout pour les Turcs. C'est toute la culture, la religion, le comportement de la vie de tous les jours qui sont très différents de la vie que connaissent les Allemands. Et quand on va en tant que touriste, quand on va à l'étranger, c'est pour beaucoup d'Allemands, c'est pareil. Alors on essaie d'être à l'étranger avec le soleil, avec la plage, etc., mais dans un contexte le plus allemand possible, si on peut dire, avec les Würstchen, avec les bières de Munich, de Dortmund, de je ne sais pas quoi, avec tous les éléments de la vie quotidienne qu'on connaît ici en Allemagne. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé pendant la guerre a pu faire en sorte que les Allemands se replient sur eux-mêmes et ont un peu honte de leur identité ? Parce qu'elle est trop chargée de sens. Elle est trop chargée de sens, elle est trop chargée d'éléments avec lesquels on ne peut pas s'identifier aujourd'hui, et elle comporte pas assez d'éléments qui peuvent constituer une conscience de peuple allemand, comme c'est le cas par exemple pour un Français qui, avec tout son passé, toute son histoire, pour beaucoup d'Allemands, d'une façon plus ou moins consciente, ces éléments d'identification n'existent pas. À Solingen, une femme continue de porter le foulard. Rien n'a ébranlé sa foi en la volonté d'Allah, même pas la mort de ses deux filles et de ses trois petites filles dans l'incendie criminel de sa maison. Mevlüde Genç, c'est son nom, est certainement la femme la plus respectée par l'ensemble de la communauté. Par ses appels au calme et à la non-violence, elle a évité que les nationalistes turcs ne mettent l'Allemagne à feu et à sang. Juste après l'incendie, elle devait déclarer « Je ne dirai rien de mal sur l'Allemagne, que la mort de mes enfants nous aide à devenir amis. » Demain, rencontre avec Camille Tellan. Il est le réalisateur d'un documentaire qui revient, bien des années après, sur le drame de Rostock-Lichtenhagen. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Isabelle Barthes. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres.